Alors, David, bientôt, David. On fait le Parasite et Piapon a besoin de toi, si tu veux bien. Hein. Donc là, on va en profiter, on va faire une petite page de réclame. On voudrait dire merci à toutes les bonnes volontés qui ont permis à la soirée de se faire, à la municipalité qui nous accueille dans les locaux pour répéter, avec qui ça fonctionne depuis un bon moment, dans un cadre bien agréable. Le jeune homme aux lumières qui se cache là. Vous pouvez applaudir aussi, hein, vous pouvez dire merci. C'est la deuxième édition, il est fidèle au poste et il nous fait un truc super sympa quoi. Ah, allez John, allez Julie, elle est cachée. C'est Julie. D'accord. Il y a du monde, il y a du monde. Hein ? Ah oui. Alors, ouais. Et Guillaume, oui, mais j'ai pas fini, on me distrait. Ouais. On peut dire merci à Guillaume aussi au son. Pareil, c'est la deuxième édition, il est fidèle au poste. Merci Guillaume. Donc c'est super sympa. Il y aura les différents groupes de la soirée qui sont à la buvette toute la soirée. Donc si vous voulez vous abreuver d'une canette, d'une petite bouteille d'eau. À pas cher. Voilà, pas cher, hein, vous pouvez y aller. Merci la buvette. On se retrouve tout à l'heure. On voulait dire aussi merci à la Mitaine, Bar Pizzeria à la Mitaine, à Suligna. Parce qu'ils sont bien sympas et qu'on y retournera bientôt. Voilà, puis on va clore cette page de pub. On va attaquer par un morceau, un ancien pour ceux qui connaissent. Qui était déjà venu, non? Bientôt, pas encore. Moon, tu vas venir sur scène. Le Parasite, voilà. Bégon. Merci à la DDE aussi. Cancer qui me ronge de foie, je rêve que tu me quittes, encore toujours encore, que tu changes d'orbite, que tu quittes mon nord. Ça moi. Mon trésor. cherche à tuer le serpent du doute. Je cherche à retrouver la joie, la seule qui m'anime ici bas. Tu m'as pris, tu m'as volé mon âme. Tant pis pour moi, je n'en ferai pas un drame. Les jalousies, je te les laisse. Je prends la ville pour seule maîtresse. Je rêve que tu me quittes. Encore, toujours, encore. Que tu changes d'orbite. Que tu quittes mon Merci. Merci.